professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit pluridisciplinaire. Comment un faubourg d'Amiens, Saint-Acheul, a-t-il pu donner le terme d'acheuléen appliqué à la fois à la période du paléolithique inférieur et à l'industrie lithique? Peut-on faire démentir la ligne de Moebius qui sépare les régions proches de l'Afrique, où prédominent les bifaces, de celles où ils demeurent rares ou même totalement absents, en Europe ou en Extrême-Orient? Le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin, professeur invité au Collège de France depuis 2014 et directeur du département d'évolution humaine à l'Institut d'anthropologie évolutive Max Planck de Leipzig en Allemagne, revient aujourd'hui sur l'industrie du silex. Dans sa présentation, il souligne, et je le cite, que la production d'outils de pierre bifaciaux commence en Afrique de l'Est au moins dès 1,75 million d'années. Elle a été mise en évidence dans le gisement de Konso en Éthiopie, qui livre bifaces, hachereaux et pics sur éclat. Elle est donc un peu plus récente que les premiers fossiles attribués à Homo erectus. Si certains gisements africains sont célèbres pour leur accumulation considérable de bifaces, note-t-il encore, ces outils peuvent ne représenter qu'un faible pourcentage des artefacts présents dans les assemblages acheuléens. Jean-Jacques Hublin poursuit sa datation géographique. Hors d'Afrique, c'est vers 1,4 million d'années que l'on voit apparaître des bifaces en Israël et dans le sud de l'Inde. Le début de l'acheuléen en Eurasie est donc postérieur à la colonisation du continent par les hominines. Le début tardif de l'acheuléen européen, vers 700 000 ans, pourrait être associé, nous dit-il encore, à l'arrivée depuis l'Afrique ou le Proche-Orient d'une nouvelle forme d'hominine, Homo rhodosiensis ou Adelbergensis. Mais elle pourrait aussi résulter d'une invention séparée. Son cours met donc en valeur également les phénomènes de convergence technique. Quelle théorie tire-t-on dès lors de ces différences de chronologie géographique? Les bifaces demeurent longtemps alors qu'émerge la technique de débitage levallois. Que peut-on apprendre encore des silex? Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours de Jean-Jacques Hublin intitulé « La première sortie d'Afrique, la question acheuléenne » le 18 novembre 2014. Cette excursion vers l'archéologie préhistorique, vraiment tournée vers le silex et vers les armes, eh bien vous allez voir que en fait, ça a un lien direct quand même avec les processus de peuplement humain. Et j'ai choisi de vous parler de cette industrie qui est très, très célèbre, qui s'appelle l'acheuléen, qui est vraiment le cœur de ce qu'on appelle le paléolithique inférieur dans nos régions, pour essayer de vous montrer comment les paléoanthropologues qui s'intéressent à l'évolution humaine essaient d'intégrer en fait ce que l'on sait de l'évolution de ces industries pour mieux comprendre en particulier le processus de colonisation de l'Europe. Alors juste pour vous rafraîchir les idées, la dernière fois, nous avons parlé déjà de ces modes tels qu'ils avaient été définis par Graham Clark. Et vous vous souvenez qu'il s'agissait de sortes de stades techniques avec des complexités croissantes et qui étaient censés aussi se succéder dans le temps. Et vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc le mode 1, le plus simple, c'est ce qui se rapporte à ce qu'on a appelé l'holdowayen dans les cours précédents, C'est essentiellement une production d'éclats et d'outils sur éclats à partir de galets ou de petits de nucléus plus ou moins gros, et puis aussi d'outils sur blocs très simples. Puis il y a un mode 2 qui suit, dont on a un petit peu parlé la dernière fois, qui est justement cet HEL1. Et avec le mode 2, on a une production d'outils sur blocs ou sur gros éclats, avec la production d'objets bifaciaux qui ont une symétrie à la fois quand on regarde un des côtés de l'objet, mais aussi quand on regarde son tranchant, donc ce sont des outils très élaborés. Alors, le terme d'Acheuléen vient du nom d'un faubourg d'Amiens, qui est le faubourg Saint-Acheul. Et ce faubourg Saint-Acheul, au XIXe siècle, est un faubourg où se trouvaient des gravières, on exploitait le sable, le gravier. Et c'est dans ces gravières de la Somme, à Amiens et auparavant à Abbeville, que Boucher de Perthes, dans les années 1840-1850, a commencé à récolter des outils comme ce biface et s'est convaincu de leur très très haute antiquité, du fait qu'ils étaient contemporains de faunes complètement éteintes. Alors les travaux de Boucher de Perthes ont été... aujourd'hui, évidemment, sont connus, célébrés, mais à l'époque, il a eu grande difficulté à faire accepter ses vues. Il n'est pas, pris très au sérieux par l'establishment scientifique. C'était un employé de l'administration des douanes. Et en fait, c'est grâce au soutien d'archéologues et de géologues anglais que ces découvertes ont été reconnues. Cette photo vous montre... Une gravière, justement, dans la banlieue d'Amiens. La photo a été prise, on le sait exactement, le 27 avril 1859, à l'occasion de la visite de Prestwich et Evans, donc, qui étaient deux scientifiques anglais qui s'intéressaient à la préhistoire. Et Prestwich et Evans ont assisté à une fouille en live, si je peux dire, dans cette carrière, avec des collègues français. Et au cours de cette fouille, on a découvert un biface, et donc ils sont allés chercher un photographe pour qu'on immortalise ce moment. Parce qu'à l'époque, il était vraiment important de pouvoir prouver que ces objets étaient trouvés en stratigraphie, et donc qu'ils avaient une ancienneté géologique très très grande. Alors le terme d'Acheuléen est aujourd'hui largement utilisé. Il a été précédé par d'autres appellations. On a longtemps parlé de Chéléen. Alors là, ça ne se référait pas à la vallée de la Somme, mais plutôt à la vallée de la Seine, puisqu'il s'agissait de Chelles, à l'est de Paris. On a parlé aussi d'Abbevillien. L'idée, c'était en fait de reconnaître des espèces de stades évolutifs dans ce poétique inférieur des alluvions de la Seine et de la Somme. Bon, on sait aujourd'hui que, en fait, ces formes d'Acheuléens sont des formes relativement tardives, surtout quand on les compare à ce qu'on trouve en Afrique. Et donc, ces termes d'Abbevillien ou de Chéléen sont tombés en désuétude. J'attire votre attention sur le fait que ce biface, il est trouvé dans des couches de gravier qui sont des alluvions de rivières. Et donc, il faut bien comprendre que, évidemment, c'est un objet qui est facilement reconnaissable, même pour un non-spécialiste. Une fois qu'on en a vu 4 ou 5, on est parfaitement capable d'en reconnaître un. Et les ouvriers qui travaillent dans ces carrières étaient tout à fait capables de les identifier. Mais dans ces graviers, il y avait aussi, très certainement, des outillages beaucoup plus simples, en particulier des choses sur éclats, voire des éclats qui étaient non retouchés et qui... n'étaient pas reconnus comme des objets très intéressants. Et donc, dès le départ, il y a eu un tri qui est à la fois un tri naturel, parce que, évidemment, ces alluvions aussi, elles ont été charriées par une rivière, donc il y a un tri mécanique qui fait que des objets d'une certaine taille se conservent et que d'autres sont emportés par le flot de la rivière, et puis aussi triés par les gens qui les récoltaient. Alors, ces bifaces, on les trouve, en fait... pas seulement dans la vallée de la Somme, pas seulement dans la vallée de la Seine, mais on les trouve dans une grande partie de l'Ancien Monde, et notamment, c'est en Afrique, encore une fois, qu'on trouve les formes les plus anciennes. Il y a un gisement en particulier qui a attiré énormément l'attention des chercheurs, qui est une formation du sud de l'Éthiopie, qui est la formation de Konso, où on a toute une série d'industries dans des niveaux qui sont extrêmement bien datés, puisqu'ils sont entrelardés de couches volcaniques assez faciles à dater. Et dans les formations de Konso, on commence à trouver des objets qui ont cette forme bifaciale un petit peu fruste, au-delà de 1,7 million d'années, vers 1,750 000. Et puis, on a toute une série de formes qui s'étagent jusqu'au-delà du million d'années, où on voit très très bien le perfectionnement de ces techniques avec la production d'objets qui sont de plus en plus symétriques et avec des tranchants qui sont de plus en plus droits. Alors, cette fabrication de bifaces en Afrique, on va la trouver dans d'autres gisements. On connaît des formes très anciennes d'acheuléens aussi à l'ouest du lac Turkana, au Kenya. On connaît des acheuléens très anciens aussi en Afrique du Sud. On enracine dans le passé l'acheuléen quelque part entre 1,8 et 1,7 million d'années. Encore une fois, il est important de souligner que même dans ces formations de Konso, où on trouve cet acheuléen très ancien, on ne trouve pas que des bifaces. D'abord, on trouve des objets bifaciaux qui n'ont pas cette forme en amande caractéristique que nous venons de voir, mais qui ont un tranchant terminal, un tranchant transversal. En gros, c'est l'aménagement d'un très gros éclat de pierre sur lequel, grâce à quelques enlèvements, on sélectionne, si je peux dire, ce tranchant terminal. Et puis, on a aussi toute une production d'outils qui sont des outils sur éclat. Ça, c'est quelque chose qui existait déjà avec l'Odowaya, avec le mode 1, mais qui continue, évidemment, avec l'acheuléen. Alors, au point de vue paléontologique, il est intéressant de constater que cette date d'apparition de l'acheuléen vers 1,8, 1,7 million d'années, en fait, coïncide, pas précisément, mais presque, avec l'apparition d'une forme humaine nouvelle dont on a beaucoup parlé déjà au cours des cours précédents, ce fameux Homo erectus, sa forme africaine primitive qu'on appelle Homo ergaster. Donc on a des Homo ergaster qui sont surtout connus, disons, à partir de 1,8 million d'années en Afrique de l'Est, mais avec quand même des formes, en tout cas on a un fossile qui frise les 1,9 million d'années. Donc dès que ces formes apparaissent, assez rapidement, disons 100 000 ans, quelque chose comme ça, elles vont se mettre à fabriquer cet acheuléen. Et en général, on attribue l'acheuléen à ces Homo erectus et non pas à d'autres formes humaines, d'autres représentants du genre Homo qui sont connus encore à la même époque. Alors en Afrique, on trouve cet acheuléen un petit peu partout. Et encore une fois, les âges les plus anciens ont été obtenus en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Alors, on peut avoir une idée de cela en allant voir des gisements qui ne sont pas des gisements comme celui de l'Orgesali, mais qui sont des gisements en grotte, où là, on a toutes les raisons de penser que les sédiments n'ont pas été charriés par une rivière et qu'il n'y a pas de tri très spectaculaire qui s'est opéré. J'ai choisi de vous montrer quelques images de cette grotte qui se trouve en Afrique du Sud, qui s'appelle la grotte Montagu. En fait, je vous la montre parce que, en ce moment, il y a un de nos étudiants en thèse, qui s'appelle Will Archer, qui est en train de la fouiller. Et quand je dis qu'il est en train de la fouiller en ce moment, la nuit dernière, il m'a envoyé les photos de ces trois bifaces qui ont été découvertes hier. Donc, vous voyez, ils sont très, très frais. Et ce qui est intéressant dans cette grotte, c'est qu'elle a été fouillée déjà dans le passé, dans les années 60, et on a, dans les musées sud-africains, des collections extraordinaires de bifaces qui viennent de cette grotte. On connaît à peu près 3000 bifaces qui ont été sorties de ces niveaux de la grotte Montagu. Et notre étudiant, Will Archer, lui, ne recherche pas que les bifaces, évidemment, il ramasse tout, et il relève toutes les pièces lithiques qui sont trouvées dans ces niveaux. Et pour vous donner une idée de la quantité de matériel qu'il y a en dehors des bifaces, eh bien, la comptabilité qu'il fait des pièces montre que ces bifaces de la grotte Montagu, dont je vous rappelle, on connaît 3000 exemplaires dans les musées, ne représentent en fait qu'un 0,5% des objets de pierre qui sont trouvés dans la grotte. Un 0,5%. Et donc, on a toutes les raisons de penser que ces assemblages, comme celui que je vous ai montré, où on voit énormément de bifaces, sont des assemblages complètement biaisés par des tris d'une nature ou d'une autre, soit des tris qui ont été opérés par les archéologues eux-mêmes, soit des tris naturels. Alors, cet Acheuléen, donc, qui apparaît, qui est inventé par ces Homo erectus il y a un peu moins d'1,8 million d'années, il va se répandre d'abord en Afrique et puis en dehors d'Afrique. Je ne vais pas aller dans tous les coins du monde où on a trouvé des bifaces, mais je veux quand même vous donner une idée de ce mouvement de diffusion en fait de ces techniques. D'abord, on va faire un saut à l'autre bout de l'Afrique, en partant de l'Afrique de l'Est, et on va aller dans l'Afrique du Nord-Ouest, et en particulier au Maroc. Alors pourquoi au Maroc ? Eh bien parce que dans la région de Casablanca, on a toute une série de dépôts pléistocènes qui sont extrêmement conséquents et extrêmement riches, à la fois sur le plan paléontologique et sur le plan archéologique. Pourquoi ? Eh bien parce que toute cette région du continent africain est soumise à un soulèvement régulier. Et donc, les dépôts, en particulier les dépôts de dunes qui se sont formés le long de la côte, eh bien, au cours du temps, se retrouvent poussés, si je peux dire, de plus en plus à l'intérieur des terres, puisqu'ils sont soulevés. Donc, on a une succession de plages, une succession de paléofalaises, et puis des dépôts qui conservent très très bien les restes archéologiques et les restes paléontologiques. Alors, cette région, c'est un petit peu comme l'Afrique de l'Est, hein, on a cet enregistrement très très régulier au cours du temps, et donc c'est une région qui a été étudiée depuis très longtemps, et aujourd'hui, il y a des équipes françaises qui travaillent au Maroc, en particulier Jean-Paul Reynal fouille ces grottes et ces carrières de la région de Casablanca. Et voilà une des carrières où les dunes consolidées ont été exploitées pour la construction du port de Casablanca et dans laquelle Jean-Paul Reynal fouille tous les ans. Et ce gisement de la carrière Thomas est assez connu, en particulier parce qu'on y a trouvé des restes humains. Alors ces restes humains viennent d'une grotte, un remplissage qui date d'environ un demi-million d'années, un petit peu plus. Et on a sous ces niveaux-là une unité qu'on appelle l'unité L, qui est beaucoup plus ancienne, et où Jean-Paul Reynal a trouvé un Acheuléen qui est un des Acheuléens les plus anciens d'Afrique. Alors il n'a pas 1,8 million d'années. Là, on est plutôt entre 1 million et peut-être 1,4 million d'années pour les parties les plus anciennes de cette série. Et ce qui est très intéressant, il y aurait énormément à raconter sur les travaux qui se font à Casablanca, mais une chose qui est vraiment tout à fait remarquable, c'est que ces niveaux Acheuléens de l'unité L, eh bien, en fait, se subdivisent en sous-niveaux. Et on a un niveau, en particulier L1, dans lequel on trouve toutes ces pièces bifaciales tout à fait caractéristiques, des bifaces, des trièdres, des hachereaux. Et au-dessus, un niveau plus récent, qui s'appelle le niveau L5. Et dans ce niveau L5, eh bien, il n'y a pas, jusqu'à présent, de biface qui a été trouvée. C'est-à-dire que ce niveau L5, qui est plus récent que le niveau L1, si on le trouvait tout seul, eh bien, on qualifierait probablement cette industrie de mode 1, quelque chose comme un holdowayen évolué. Et vous voyez que ça pose la question, en fait, de l'utilisation de ces modes successifs à des fins chronologiques ou à des fins de compréhension de l'évolution des industries. Donc, pour dire les choses simplement, à cette période, les hommes, en fonction de leurs activités, ont à certains moments fabriqué des bifaces, et puis à d'autres moments, ils n'en ont pas fabriqué, ils ont fabriqué autre chose. Et là-dessus, évidemment, les agents naturels ont aussi jouer leur rôle. Et en fait, le fait qu'on ait ces industries sans biface au-dessus d'industries à biface, ça pose la question de l'âge d'autres sites qu'on connaît en Afrique du Nord. Et en particulier, il y a eu une petite discussion, on va dire, entre différents auteurs à propos de sites qui sont connus en Algérie et qui ont été rapportés, alors justement, au mode 1, à l'Oldowayen, avec, sur la foi de données paléontologiques et de données paléomagnétiques, et qui ont été assignées donc à une période autour de 1,8 million d'années, et certains de mes collègues, justement, prenant en compte les données marocaines, on dit, mais dans le fond, ces sédiments qui ont une polarité magnétique normale et qui ont été attribués à l'épisode d'Oldouvaille, autour de 1,8, pourraient très bien, en fait, appartenir à une période paléomagnétique normale plus récente, comme l'épisode de Jaramillo, et donc être plus autour du million d'années. C'est vrai que si ce genre d'industrie était trouvée à la carrière Thomas dans le niveau L5, on ne poserait pas beaucoup de problèmes. Alors cet Acheuléen, donc, qui s'est répandu en Afrique, on va le trouver hors d'Afrique, et on va le trouver d'abord au Proche-Orient, dans un gisement très connu qui s'appelle Oubédia, qui est en Israël, au sud du lac de Tibériade, le long de la vallée du Jourdain. Et à Oubédia, on a des sédiments qui sont datés de 1,5-1,4 million d'années. On a à la fois des choses qu'on a appelées de l'Oldowayen évolué, mais on a aussi de l'Acheuléen. Et cette diffusion des biphases va s'opérer dans un premier temps essentiellement sur le Proche et le Moyen-Orient. Et les biphases les plus orientaux qu'on va trouver, on va les trouver en Inde. Et en particulier, on a maintenant, dans le sud-est de l'Inde, des bifaces et des hachereaux qui ont une allure tout à fait convaincante pour être attribuées à un acheuléen, dans une période de temps qui tourne autour de 1,4 million d'années. Donc à peu près le même âge que Koubaïdié. Donc 1,750 premiers bifaces en Afrique de l'Est, ils se répandent entre 1,7 et 1,4 million d'années entre, disons, l'Afrique du Nord et l'Inde, en passant par le Proche-Orient. Alors, qu'est-ce qui se passe en dehors de cette zone? Eh bien, en dehors de cette zone, pendant un bon moment, et même parfois définitivement, on ne va pas trouver cet acheuléen, on ne va pas trouver ces bifaces. Et ça, c'est une observation qui a été faite déjà depuis longtemps, en particulier par un préhistorien américain qui s'appelait Alam Leonard Movius, qui était professeur à l'université de Harvard, qui est un archéologue très connu. Il a en particulier travaillé dans le sud-ouest de la France, à l'abri Pateau. Et Movius a rendu son nom célèbre en créant une ligne qui sépare les zones dans lesquelles on trouve des bifaces acheuléens et les zones de l'ancien monde dans lesquelles on ne trouve pas ces bifaces. Vous verrez qu'en Europe, la situation est un peu plus compliquée, en particulier pour des raisons d'âge de l'acheuléen qui est plus tardif en Europe. Mais si on regarde ce qui se passe ici en Asie, donc Movius avait fait valoir que dans cette partie de l'Asie, eh bien, ce qui survivait, c'était des industries relativement frustes, avec des productions d'outils sur galets, des choppers, des chopping tools, des éclats, mais dans le fond, pas de biface acheuléen véritable. Alors, on a beaucoup, spéculé et discuté pour comprendre cette distribution assez curieuse. Alors, évidemment, il est possible qu'il y ait des facteurs géographiques qui aient joué un rôle important. En particulier, il faut se souvenir qu'au milieu de l'Asie, il y a l'Himalaya, qui n'est pas quelque chose qu'on passe très, très facilement. Mais l'idée générale, ça a été longtemps que, en fait, dans le fond, dans cette partie de l'Asie, sur le plan technique, l'évolution avait été relativement lente, conservative. Et dans le fond, il y avait l'idée qu'il ne se passait pas d'innovation très spectaculaire dans le paléolithique asiatique. On a aussi pensé que cette absence d'innovation dans la production lithique, elle était liée au fait que, dans le fond, les hommes n'avaient pas besoin de cet outillage lithique parce qu'ils utilisaient d'autres supports techniques, en particulier pour produire des objets tranchants. Et notamment, on a beaucoup parlé de l'utilisation du bambou pour fabriquer des sortes de couteaux qui servaient à dépecer les animaux. Alors, évidemment, dans pas mal de pays d'Asie, cette idée que l'Asie était en quelque sorte en retard, ça a quand même un peu, j'allais dire, stimulé les recherches. Et on s'est empressé partout d'essayer de faire mentir la ligne de Möbius et de trouver des bifaces au-delà de la ligne de Möbius. Et alors, vous savez, en archéologie, quand on cherche vraiment quelque chose, on finit toujours par trouver, sinon ce qu'on cherche, mais du moins quelque chose qui remplit la même fonction. Alors, aujourd'hui, évidemment, on a une autre explication à cette ligne de Möbius. Et l'explication, c'est que, en fait, la première sortie d'Afrique par des représentants du genre Homo s'est faite avant l'invention de l'Acheuléen en Afrique de l'Est, il y a un peu plus de 1,7 million d'années. Vous vous rappelez, on a parlé beaucoup du gisement de Dmanisi en Géorgie. À Dmanisi, on a des restes humains qui frôlent les 1,8 million d'années, mais surtout, on a, dans des niveaux plus anciens, des outillages lithiques qui se rangent sous la catégorie mode 1, Oldowayen, et qui, eux, sont au-delà de 1,8 million d'années. Évidemment, que ce soit des formes primitives d'Homo erectus ou d'autres formes primitives du genre Homo qui soient sorties d'Afrique les premières, elles n'ont pas pu emporter avec elles les techniques acheuléennes. Elles ont donc exporté d'abord ce mode 1. Et ce mode 1 se serait répandu donc jusqu'en Extrême-Orient, jusqu'en Chine, jusqu'en Indonésie. Et ça n'est que plus tard, en quelque sorte, que l'acheuléen se serait répandu comme une seconde nappe au-dessus de cette nappe du mode 1. Alors, cela étant dit, on a cherché quand même ardemment à faire mentir Möbius. Et donc, dans différentes régions d'Asie, on a cru trouver, ou parfois trouver, des objets bifaciaux qu'on s'est empressé d'appeler acheuléens. Alors, un des assemblages les plus connus dans cette perspective, c'est ce qu'on appelle le pâtes-citanien à Java. Alors, ce pâtes-citanien, c'est une industrie qui a été essentiellement recueillie par von Königswald avant la Seconde Guerre mondiale, donc dans le centre et le sud de l'île de Java, en particulier dans la vallée de la Baksoka. Von Königswald a récolté un grand nombre d'outillages, donc dans des alluvions de rivières. Et dans cet outillage, il y a des gros objets qui sont parfois retouchés de façon bifaciale. Ça n'est jamais des objets très, très sophistiqués. Pour tout vous dire, on a beaucoup de mal, au sein de cet assemblage-là, à trouver quelques pièces qui ressemblent vraiment à des bifaces acheuléens. Souvent, ils sont pas vraiment symétriques. Ils ont des formes plano-convexes, hein, c'est-à-dire qu'il y a un côté qui est plat et puis un côté qui est beaucoup plus bombé. Il y a beaucoup de trièdres, de choses comme ça. Alors le problème de ce pâtes-citanien, c'est un problème qu'on va retrouver pour de nombreuses industries de ce type découvertes en Asie. En fait, que ce soit en Thaïlande, que ce soit aux Philippines, que ce soit en Malaisie, que ce soit dans différentes parties de l'Indonésie, à Sumatra, à Java, une grande partie de ces objets sont récoltés en surface et, dans le fond, on n'a aucune idée de l'âge qu'ils peuvent avoir. On soupçonne que certains d'entre eux sont assez anciens, peut-être de la fin du Pléistocène moyen, mais en particulier, ce chercheur, Bastra, a, sur une analyse géologique de la vallée de la Baksoka, dans le fond, on est arrivé à la conclusion que ce pâtes-citanien était très récent et que même une partie du pâtes-citanien pouvait même être holocène, c'est-à-dire moins de 10 000 ans, quelque chose de tout à fait récent. Et donc, c'est un problème récurrent pour toutes ces industries. Alors, je vous rappelle quand même en passant qu'à Java, souvenez qu'on a discuté de l'âge des premières occupations humaines et des premiers restes humains, et ces restes humains s'enfonçait, si je peux dire, dans la formation de Pungkangan. De façon assez curieuse, dans ces formations, on ne trouve pas d'outillage lithique. Et en fait, à Java, les plus anciens outillages qui ont été pour l'instant découverts dans des conditions géologiques qui permettent de donner leur âge viennent de ce Grenzbank là, qui sépare la formation de Kabou et la formation de Pukangan. Donc, disons qu'au plus, ils ont autour de 900 000 ans, quelque chose comme ça. C'est l'équipe de François Sema qui a fait cette découverte, mais la plupart d'entre eux viennent de formations plus récentes. Et dans toutes ces sites où on peut réellement fouiller, on ne trouve pas vraiment de biface, hein, ni quelque chose qui y ressemble. Alors, en fait, si on cherche, on trouve. Et je me suis amusé là à collectionner quelques objets qui ressemblent à des bifaces, mais qui sont certainement pas des bifaces acheuléens et qui viennent d'Asie. Alors ici, il s'agit d'un biface, mais qui est un biface néolithique, en fait, qui vient d'Inde, mais qui, si on le trouvait hors contexte, pourrait peut-être passer pour un biface raisonnable. On a même des objets bifaciaux qui ressemblent un peu à des bifaces acheuléens, qui ont été utilisés jusqu'au siècle dernier par des aborigènes australiens. Et on a même décrit exactement comment ils s'en servaient. Et même dans l'île de Flores, dans la grotte de Liangboa, où on a trouvé le fameux Homo floresiensis dont on a déjà parlé, eh bien, on a aussi trouvé des choses qui ont été classées comme bifaciales. Alors, en fait, on connaît quand même quelques gisements où on a des objets bifaciaux relativement bien datés, bien fouillés, trouvés en stratigraphie. Je voudrais juste vous en donner deux exemples. Un exemple dans le sud de la Chine, il s'agit de la région de Baizhen. On est dans le Guangxi, c'est-à-dire l'extrême sud de la Chine, près de la frontière vietnamienne. Alors en réalité, dans la région de Baizhen, on a des niveaux qui datent d'environ 800 000 ans, donc c'est assez ancien. Et dans ces niveaux, on trouve ce que mes collègues américains ont appelé « large cutting objects », c'est-à-dire des grands objets coupants. Et ces objets coupants, certains sont vraiment grands. Hein, et si on les trie, effectivement, on trouve des objets qui ressemblent à des bifaces acheuléens, mais très souvent, ce sont des objets asymétriques, plano-convexes, des trièdres, des choses un petit peu, j'allais dire, mal fichues dans une perspective strictement acheuléenne. Et la façon dont on interprète ça, ça n'est pas, encore une fois, en faisant mentir à la Movius, mais c'est plutôt en interprétant ces productions comme une convergence, le fait que des hommes qui savent tailler la pierre, à un moment donné, ont besoin d'objets tranchants d'un certain poids, d'une certaine taille, et donc, par un phénomène de convergence, ils vont produire des choses qui ressemblent à des outillages acheuléens. Et on a des découvertes un peu du même genre dans différents coins d'Asie, en particulier en Corée du Sud. Il y a des gisements dont on a beaucoup parlé qui viennent du bassin de la rivière Imjin Antan. Et encore une fois, ça ressemble beaucoup à ce que je viens de vous décrire, mais là, avec un âge qui est très récent, puisqu'on est entre 350 000 et 110 000 ans. Donc, la conclusion, c'est que quand on regarde à l'est, la ligne de Movius tient le coup, et on a simplement, au-delà de la ligne de Movius, des phénomènes sporadiques de convergence qui donnent naissance à ces objets bifaciaux. Le Collège de France et France Culture vous présente le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin, la première sortie d'Afrique, la question acheuléenne. Alors on va regarder maintenant ce qui se passe à l'ouest, ce qui se passe en Europe. Et en Europe, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que je vous rappelle que l'acheuléen a été découvert en Europe, décrit en Europe, et que Saint-Acheul, c'est la banlieue d'Amiens. Hein. Donc ce qui est tout à fait remarquable en Europe, c'est qu'on n'a aucune production de biface à 1,4 million d'années ou 1,8 million d'années, pour la bonne raison que, pour l'instant, on n'a pas trouvé de restes humains ou de sites archéologiques qui soient aussi anciens. Et quand on trouve les premiers gisements archéologiques dans le sud de l'Europe, ils sont en deçà du 1,5 million d'années, et encore, si on est très optimiste, disons, on est plutôt autour de 1,2 million d'années. Ces plus anciens sites européens ne comportent pas de biface. Ils se rangent dans la catégorie mode 1, encore une fois. Et il va falloir, en fait, attendre assez longtemps, et même très longtemps, pour voir arriver des bifaces en Europe. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup excité, si je peux dire, la curiosité des préhistoriens et des paléoanthropologues. Alors, au jour d'aujourd'hui, le plus ancien gisement dans lequel on ait découvert des bifaces en Europe se trouve en plein centre de la France, dans la vallée du Cher, un gisement qui s'appelle la Noira, et où on a des niveaux contenant quelques bifaces qui sont recouverts par des sédiments qui ont été datés à 665 000. Alors 665 000, pour la chronologie européenne, c'est très vieux, mais enfin, comparez ça à 1,8 million d'années. Donc il y a plus d'un million d'années de décalage entre l'apparition de l'Acheuléen en Afrique et le début de son expansion hors d'Afrique, et l'apparition de cet Acheuléen en Europe occidentale. Alors, après la Noira, on a un autre site très ancien, à peine moins vieux, 640 000, à Notar Chirico, dans le sud de l'Italie. Et c'est, en fait, essentiellement entre 600 000 et 500 000 qu'on va vraiment voir se développer cet Acheuléen en Europe. Alors, on a des niveaux avec des bifaces assez anciens à Totavel, dans la grotte de l'Arago, autour de 550 000. Et puis, très vite, on va trouver des bifaces dans le nord-ouest de l'Europe, en Angleterre, dans la vallée de la Somme, en Espagne, un petit peu partout. Disons qu'à partir de, disons, 500 000, ces bifaces, on les trouve un petit peu partout dans toute la partie ouest de l'Europe. Alors, comment est-ce qu'on interprète ce décalage entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe? Eh bien, ça va nous permettre de revenir vers les fossiles, parce que quand on regarde ce qui se passe autour de 600 000 ans, eh bien, autour de 600 000 ans, en fait, on a une forme humaine nouvelle qui apparaît, alors qu'on a appelé parfois Homo heidelbergensis, parfois Homo rhodesiensis, et cette forme, on la trouve à la fois en Afrique et en Europe. Alors, je vous ai ici mis trois crânes qui sont parmi les mieux conservés de ces formes de dominique du Pléistocène moyen. Donc, deux formes africaines, le crâne de Kabwe en Zambie, le crâne de Bodo en Éthiopie, et une forme européenne, il s'agit du crâne de la grotte de Petralona dans le nord de la Grèce. Alors, le crâne de Petralona et le crâne de Kabwe ne sont pas très bien datés. On sait qu'ils sont du Pléistocène moyen, mais il y a beaucoup de questions sur leur âge. Le crâne de Bodo est mieux daté et il a probablement au moins 600 000 ans. Donc on a de bonnes raisons de penser qu'au-delà de 600 000 ans, on a déjà ces formes qui existent. Et évidemment, il faut expliquer pourquoi on trouve cette grande proximité sur le plan biologique entre les populations européennes et les populations africaine de cette époque-là. Et donc, une interprétation qui a eu la faveur, en général, des paléoanthropologues, ça a été de dire, eh bien, il se passe, à ce moment-là, une autre sortie d'Afrique, une sortie d'Afrique de ces formes qui vont évoluer sur le continent eurasiatique pour donner, dans l'Ouest, les Néandertaliens. Et en fait, sitôt qu'elles vont être, si je peux dire, plus ou moins isolées sur le continent européen, dès avant 400 000, ces formes vont accumuler des caractères qui les dirigent, si je peux dire, vers la morphologie néandertalienne. Et puis, en Afrique, elles vont continuer à exister et plus tard donner les ancêtres de l'homme moderne. Et donc, ce serait, dans le fond, le mouvement, un mouvement de population, un échange de population entre l'Afrique et l'Europe qui expliquerait cette apparition assez brutale et aussi tardive des biphases de l'acheuléen, donc de quelque chose d'africain, si je peux dire, dans le monde européen, qui jusque-là ne connaissait que des industries du mode 1. Alors, on lit ça aussi à des changements environnementaux. Vous vous rappelez que cette courbe climatique qui se balance entre des épisodes glaciaires et interglaciaires, c'est une courbe qui, au cours du Pléistocène moyen et du Pléistocène supérieur, connaît une espèce d'accélération dans le balancement entre des périodes tempérées, chaudes, et des périodes froides. Et on sait en particulier que certains interglaciaires, comme celui qu'on a numéroté 15, autour de 600 000 ans, ça a été un interglaciaire particulièrement long, particulièrement intense, et qui a probablement joué un rôle important dans la colonisation des latitudes relativement élevées de l'ouest de l'Eurasie. Alors ce modèle qui lie l'apparition de l'acheuléen en Europe et puis, dans le fond, une recolonisation de l'Europe par des Homo heidelbergensis / rhodesiensis, c'est une idée qui a été assez critiquée par certains archéologues parce que cette présence des bifaces en Europe n'est pas quelque chose qu'on peut facilement, faire sortir d'Afrique. Pour venir d'Afrique, normalement, on arrive par le Proche-Orient et par l'Est de l'Europe pour arriver en Europe occidentale. Or, quand on regarde les industries qu'on connaît en Europe centrale et en Europe de l'Est, le fait est qu'on connaît pratiquement pas de bifaces ou alors des choses qui sont relativement tardives. Et en fait, entre 1 million d'années et 400 000, dans toute cette partie de l'Europe, on a essentiellement des assemblages sans bifaces. Alors, ces assemblages, il faut dire qu'ils sont souvent assez pauvres, critiqués et critiquables. Souvent, leur datation est problématique et parfois même la nature humaine de ces productions est mise en question. Mais on a quand même certains sites, comme par exemple Kozarnica en Bulgarie ou Korolevo en Ukraine, qui ont livré des séries assez riches de cette période-là. Alors en fait, c'est seulement assez tardivement qu'on va voir apparaître des bifaces dans cette partie de l'Europe, alors que je vous rappelle qu'en France, en Italie, et puis un peu plus tard en Espagne, en Angleterre, on a des choses autour de 500 000 ans. Je résiste pas au plaisir de vous montrer cette photo de ce site, parce que c'est un site qui est juste à côté de chez moi, à Leipzig, et ce site qui s'appelle Markkleeberg, alors là, on n'est plus dans la banlieue d'Abbeville, on est dans la banlieue de Leipzig, c'est le gisement le plus oriental dans lequel on trouve des bifaces en Europe. Mais ces bifaces de Markkleeberg, en fait, sont des bifaces assez tardifs, sont des bifaces qui ont autour de 200 000 ans. Donc vous voyez que le schéma qu'on a est un schéma qui est quand même un petit peu compliqué parce qu'on aimerait bien faire venir en Europe occidentale des Homo heidelbergensis porteurs de bifaces qui arriveraient en Angleterre, en Espagne, en Italie. Mais le problème, c'est que sur le chemin, on n'en trouve pas la trace, ni d'eux, ni des bifaces. Alors il y a plusieurs explications à ça, et c'est pour ça qu'il y a un débat. La première explication, c'est que effectivement, il y a une partie de l'Europe dans laquelle on a très peu de gisements de cette époque-là. Rappelez-vous que dans les gisements acheuléens, où on a ces magnifiques bifaces symétriques, comme ceux que je vous ai montrés d'Afrique du Sud, que mon étudiant a découvert hier, eh bien, dans ces gisements-là, on a une proportion de bifaces qui est de l'ordre d'un 0,5%. Et donc, si on a plusieurs dizaines de milliers d'artefacts, voire plusieurs centaines de milliers d'artefacts, on va avoir une collection de bifaces. Beaucoup des gisements dont je vous ai parlé en Europe centrale et en Europe de l'Est sont des gisements où on a parfois 150 artefacts qui ont été découverts. Donc la probabilité qu'on trouve des bifaces est de toute façon assez réduite. Alors après, il y a une autre interprétation qui a été proposée. C'est que, en fait, cette arrivée en Europe des Homo rhodésiensis slash heidelbergensis et de leur biface, eh bien, elle ne s'est pas opérée par l'Est. Et donc, ça serait pour cette raison qu'on ne trouverait pas, en fait, cet Acheuléen là où on devrait le trouver avant de le trouver en Europe occidentale. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, ils ne sont pas arrivés par l'Est, mais ils sont plutôt arrivés par le Sud-Ouest, c'est-à-dire par Gibraltar. Alors, cette traversée possible à partir de l'Afrique du Nord vers Gibraltar, c'est une traversée qui paraît facile quand on passe en avion au-dessus du détroit de Gibraltar, parce qu'on se dit c'est rien du tout. Il y a une quinzaine de kilomètres, on voit l'Afrique quand on est à Gibraltar. Hein. Et puis, au cours du Pléistocène, à travers différentes fluctuations climatiques, eh bien, on sait que le niveau marin s'est abaissé, qu'il y a des petites îles qui sont apparues, et peut-être que cette traversée a été plus facile. Une question qui est très, très débattue, parce que, de toute façon, même quand le détroit de Gibraltar s'est réduit, il n'a jamais disparu hein, pendant le Pléistocène, le courant entre l'Atlantique et la Méditerranée est un courant dissuasif. Hein. Si vous suivez les informations, vous verrez que, régulièrement, on trouve des gens qui ont voulu traverser de façon clandestine le détroit de Gibraltar et qui se trouvent poussés en Méditerranée, très très loin, par les courants. Alors, au-delà de la distribution de l'Acheuléen plutôt dans l'ouest de l'Europe que dans l'est, l'argument a été aussi qu'on trouve en Espagne des Acheuléens qui auraient une teinte un peu plus africaine, en particulier avec la présence de hachereaux, un peu comme en Afrique, qu'on trouverait en Espagne et puis un petit peu dans le sud de la France, beaucoup moins ailleurs. Hachereaux produits sur des grands éclats avec des techniques un peu comparables à ce qu'on connaît en Afrique. Alors ça, c'est quelque chose qui est discuté par d'autres archéologues qui ne sont pas très d'accord sur cette idée de la nature africaine de l'Acheuléen européen. Donc, pour les gens qui rejettent tous ces scénarios d'arrivée à partir de l'Afrique, eh bien, l'autre interprétation possible, c'est que cet Acheuléen d'Europe, c'est un petit peu comme les industries que je vous ai montrées en Chine ou en Corée, c'est une convergence, c'est une invention séparée de l'Acheuléen. Bon, ce n'est pas l'interprétation qui a ma préférence, mais c'est quelque chose à prendre en considération. Alors maintenant, pour finir, je voudrais vous dire ce qui s'est passé à la fin de l'Acheuléen, et en particulier quand on passe de ce mode 2 à ce mode 3. Alors ce mode 3, c'est quoi? C'est le fait de produire des éclats de forme prédéterminée sur quelque chose qui ressemble en fait à un biface. C'est-à-dire on produit un nucléus qui ressemble un peu à une carapace de tortue et on choisit sa forme, on aménage un plan de frappe et à partir de ça, on produit un éclat. Alors le terme de Levallois, bien évidemment, vient lui aussi d'une banlieue bien connue, cette fois de Paris, Levallois-Perret. Au XIXe siècle, les préhistoriens étaient surtout actifs en Europe et particulièrement en France. Et vous allez voir, c'est pas si facile que ça à faire, mais vous allez voir comment ça se passe une fois qu'on a préparé le nucléus levallois. Donc, il suffit de préparer un plan de frappe, et quand on sait frapper, on produit un éclat qui est mince, qui est grand, qui est coupant, et qui a presque la taille du nucléus. D'accord. Et d'ailleurs, beaucoup pensent que cette technique de débitage, c'est quelque chose qui est en quelque sorte incluse dans le package Acheuléen. C'est-à-dire qu'en gros, partout où des gens ont produit des bifaces, tôt ou tard, ils ont eu l'idée de sortir des éclats sur ces bifaces. Et donc, une idée qui est assez en faveur au sein des préhistoriens, c'est que le débitage levallois aurait pu être inventé dans plusieurs points de l'Ancien Monde. Et on connaît des techniques, d'ailleurs, les formes les plus anciennes de débitage de ces éclats. Ce n'est pas du vrai levallois, c'est d'autres techniques, en particulier en Afrique, qui sont un petit peu plus anciennes. Et donc, on peut, en préparant son coup, si je peux dire, littéralement, on peut produire des éclats, des pointes, des lames. Et quand on regarde ce qui se passe dans le temps et qu'on regarde en Europe la fréquence des bifaces et la fréquence de ce débitage levallois, eh bien on voit qu'il y a en fait une espèce de substitution de l'un à l'autre, c'est-à-dire que jusqu'aux environs du stade isotopique 8, on a des biphases, donc en gros entre 600 000 et puis on va dire 250 000, on est dans le monde des biphases. Et puis ensuite, eh bien, c'est les outils produits sur des éclats levallois, retouchés ou parfois non retouchés, qui vont prendre le dessus. Donc c'est une espèce de suite logique, si je peux dire, avec aussi la conclusion qu'il n'y a pas de frontière bien marquée entre ce que l'on a appelé autrefois le paléolithique inférieur et le paléolithique moyen, puisque ce débitage levallois, ça a été longtemps considéré comme un petit peu l'emblème du paléolithique moyen. Alors pour finir, je voudrais vous dire quelques mots sur l'utilisation des biphases, parce que après tout, ça fait presque une heure qu'on est en train de parler de ces biphases, et vous vous demandez à quoi ça sert. Eh bien, il y a eu beaucoup d'expérimentations, en particulier des gens qui font de la tracéologie, c'est-à-dire qui étudient les stigmates que l'on peut observer sur les tranchants des outils après avoir fait de l'expérimentation. On coupe du bois, de la viande, on creuse, on fait des tas de choses, et puis on compare ça à ce qui est observé sur du matériel archéologique. Alors, la conclusion de toutes ces études est quand même assez, pas complètement satisfaisante, parce que dans le fond, on aimerait bien avoir une réponse simple à l'utilisation des biphases. Et la réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse simple, c'est-à-dire qu'il semble avoir servi à beaucoup de choses, et certains ont même utilisé l'expression de couteau suisse, hein, c'est-à-dire l'idée que c'était un outil que les gens avaient avec eux et qu'ils utilisaient un petit peu pour faire ce dont ils avaient besoin, surtout quand il s'agissait d'avoir besoin de quelque chose qui avait un certain poids. Je pense en particulier au débitage d'un morceau de bois ou même à de la boucherie où on a besoin d'un outil qui a une certaine, un certain poids. On a aussi proposé que ces biphases, et là je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le levallois, qu'occasionnellement ils ont pu servir comme, si je peux dire, nucléus de secours quand on avait besoin d'un éclat et qu'on avait son biface, son couteau suisse, hop, on pouvait sortir rapidement un éclat si on avait besoin. Alors on a beaucoup discuté aussi sur les variations de forme et savoir si ça représentait des fonctions différentes, c'est pas très clair. Un de mes collègues a fait remarquer que les changements de forme de ces bifaces pouvaient aussi s'expliquer par le fait que justement ils pouvaient avoir été réaffûtés plusieurs fois, servis pour débiter des éclats, et que donc au cours de cette réduction, alors que la base changeait assez peu, la pointe de l'objet était active, elle changeait au cours du temps. Alors, je ne résiste pas à la tentation de vous dire que il y a aussi beaucoup de gens qui se sont interrogés sur l'investissement que représentait la production d'un biface. C'est-à-dire que quand même, il faut bien se rendre compte que de débiter un éclat sur un bloc de silex, c'est un geste instantané. Si vous avez besoin d'un objet tranchant, vous pouvez en quelques secondes obtenir cet objet tranchant. Produire un biface, c'est du boulot, hein. Donc c'est quand même un investissement important. Et donc il y a toute une littérature qui tourne autour de l'idée que ces bifaces ont pu avoir eu un rôle symbolique, voire un rôle de sorte de prestige, hein. J'ai un collègue anglais qui s'appelle Stephen Mitten qui a proposé que ces bifaces jouaient un rôle dans la sélection sexuelle. Alors, je vais vous expliquer en gros de quoi il s'agit, mais vous savez, quand j'étais jeune, pour draguer les filles, il fallait avoir une belle voiture. Alors, au paléolithique, il n'y avait pas de belle voiture, mais l'idée, c'est que le biface, c'était une façon de montrer ses qualités, son habileté, et donc ils avaient un petit peu comme la parade de certains oiseaux, la parade reproductrice, une fonction dans l'attraction, si je peux dire, des partenaires. C'est une idée intéressante. Il y a aussi quand même un certain nombre de cas où on a trouvé des biphases qui semblent, encore une fois, avoir une signification un peu particulière. En particulier, vous avez sûrement entendu parler du site de Cima de los Huesos, on reviendra plusieurs fois sur ce site. C'est un site qui se trouve en Espagne, dans la région de Burgos, et on a trouvé une accumulation de restes humains qui semblent avoir été jetés dans un espèce de puits et au fond duquel ils se sont accumulés. On a 28 individus, très peu de faune, pas d'industrie du tout, pratiquement rien, et au milieu de tout ça, un biface, et un biface qui, au dire des connaisseurs de biface, est un biface magnifique qui est fait dans une roche très particulière, une roche rouge qui n'est pas facile à trouver, etc. Et donc l'idée, c'est que peut-être ce biface, il a effectivement une fonction symbolique. Alors, je vous laisse avec tout ça. Quand même, les bifaces ont servi à des choses beaucoup plus triviales, et en particulier, on a des sites où on voit très clairement qu'ils ont été utilisés pour la boucherie. Il y a un site que j'aime beaucoup, qui est le site de Boxgrove, dans le sud de l'Angleterre, où on trouve, dans des niveaux où les hommes ont laissé des outillages, mais aussi des restes d'animaux chassés, on trouve des accumulations d'éclats. Et ces accumulations d'éclats sont les éclats laissés par un tailleur qui a produit un biface. Alors comment on sait qu'il a produit un biface ? Eh bien parce qu'on peut recoller tous ces éclats et on obtient le nodule que les hommes sont allés chercher dans la falaise à côté. Et dans ce nodule, il y a un espace vide. Et quand on coule du plâtre à l'intérieur, eh bien on obtient un biface en plâtre. Et on a des accumulations comme ça, en particulier dans un cas, autour d'une carcasse de cheval. Et on a littéralement, si je peux dire, fait revivre ce moment où quelques chasseurs qui avaient abattu un cheval sont allés chercher pas très loin des rognons de silex pour tailler des bifaces. Ils se sont certainement servis de ces bifaces pour débiter cette carcasse de cheval. Ça a dû prendre un certain temps. Ensuite, ils sont partis avec la viande. Ils sont partis avec les bifaces. Et donc, on a juste les éclats qui sont restés là. Et on sait que ces hommes ont chassé les chevaux à Boxgrove, non pas avec des bifaces, mais probablement avec des lances, des épieux en bois. On a en particulier cette omoplate dans laquelle on a une perforation qu'on interprète comme une blessure laissée par un épieu. Et ces épieux, on les a, non pas à Boxgrove, mais dans un autre gisement qui est un gisement allemand, un peu plus tardif, qui est en Saxe-Anhalt, qui est le gisement de Schöningen, où on a, sur les berges d'un petit lac, dans une zone un peu marécageuse, avec des herbes, une accumulation d'objets en bois qui ont été laissés par les hommes. Et pourquoi on trouve ces objets en bois ? Eh bien parce que les hommes sont venus sur les bords de ce petit lac pour chasser des chevaux dont on trouve les carcasses, les ossements. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que là non plus, on ne trouve pas de biface et on ne trouve pas non plus, d'ailleurs, beaucoup d'industrie lithique, très très peu d'outillage. Et ça me permet de revenir sur cette notion que les assemblages lithiques que l'on trouve, ils sont liés souvent à des activités particulières. Et donc, surtout quand on a très peu de sites, quand on a très peu de matériel, il ne faut peut-être pas surinterpréter les représentations des différentes composantes de cet outillage. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Jean-Jacques Hublin, la première sortie d'Afrique, la question acheuléenne, le 18 novembre 2014. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Jacques Hublin. Il donne en ce moment sa troisième année d'enseignement et je vous invite à vous connecter à l'agenda du Collège de France. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard sous le titre « Paléanthropologie du genre homo » et avec Bernard Seitre, il a publié « Quand d'autres hommes peuplaient la Terre, nouveau regard sur nos origines » chez Flammarion en 2008. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Un grand merci aux équipes de la documentation d'actualité et à Boris Boutlerov. Demain, nous poursuivrons en compagnie de Jean-Jacques Hublin son cours sur la première sortie d'Afrique avec l'évolution de l'enfance. Et dans quelques instants, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.